tard dans la nuit, où tous les chats sont gris. Je marche le long des quais, le long de l'ancienne voie ferrée. Qu'une ville est belle la nuit, bercée par les vents du large. Un léger brouillard plane sur le port. J'aime Bresman. La nuit. La nuit. Sous le crachin brestois, traverse le pont de recouvrance. Moi l'enfant de la plaine, né sous les hauteurs de la ville. Qu'une ville est belle la nuit, recouvert de son manteau de diamant. Pour moi depuis le port de Camaret, j'aime Brest même. Marche dans la rue Thiam, c'est traverser l'histoire de la ville. Avec un souviens-toi barbare, il pleuvait ce jour-là. Qu'une ville est belle la nuit, bercée par les vents du large. Un léger brouillard plane sous le port. J'aime Brest même. La nuit, les chats sont